Le Dhammapada. Verser sur ceux qui nous sont chers. Il s'est appliqué à poursuivre ce qu'il aurait dû éviter et ne s'est pas appliqué à ce qu'il aurait dû réaliser. Il a négligé son véritable but pour nouer des liens affectifs. Et il envie aujourd'hui ceux qui ont su garder leur objectif. Jamais, quoi qu'il arrive, ne te rapproche trop de ceux qui te sont chers comme de ceux que tu n'aimes pas, car il est douloureux de ne point voir ceux qui nous sont chers autant qu'être forcé de voir ce que nous n'aimons pas. Alors, ne crée pas de lien trop fort, car il est dur d'être éloigné de ceux qui nous sont chers. Pour qui est libre, aussi bien de l'affection que de l'aversion, il n'y a plus d'entrave. De ce qui nous est cher, naît le chagrin. De ce qui nous est cher, naît la peur. Pour qui est libéré de ce qui lui est cher, il n'y a plus de chagrin. Alors, comment y aurait-il la peur? De ce que nous aimons naît le chagrin. De ce que nous aimons naît la peur. Pour qui est libéré de ce qu'il aime, il n'y a plus de chagrin. Alors, comment y aurait-il la peur? De ce qui nous ravit naît le chagrin. De ce qui nous ravit naît la peur. Pour qui est libéré de ce qui le ravit, il n'y a plus de chagrin. Alors, comment y aurait-il la peur? Du plaisir des sens naît le chagrin. Du plaisir des sens naît la peur. Pour qui est libéré du plaisir des sens, il n'y a plus de chagrin. Alors, comment y aurait-il la peur? De la convoitise naît le chagrin. De la convoitise naît la peur. Pour qui est libéré de la convoitise, il n'y a plus de chagrin. Alors, comment y aurait-il la peur? Celui qui est vertueux, dont la vision est juste, qui est intelligent et honnête, et qui sait assumer ses obligations, celui-là est cher au cœur de tous. Si tu aspires à l'ineffable libération, si ton cœur est empli d'inspiration, si ton esprit n'est pas embrumé par les passions, tu es quelqu'un qui a remonté le courant. Note de Jeanne Chute. À ce stade, le sage ne renaîtra plus qu'une seule fois dans un royaume céleste et, de là, il atteindra directement le Nibbana, sans revenir sur terre. Fin de la note. Quand un homme, longtemps absent, rentre sain et sauf d'un long voyage, ses proches, ses amis, ses compagnons se réjouissent de son retour. De même, quand tu agis bien ici-bas et que tu quittes ce monde pour l'au-delà, tu es accueilli par tes bonnes actions comme un être cher rentrant à la maison.